Mon père, d'ailleurs, était inconsciemment complice de mon premier amour. Il encourageait plutôt, ravi que ma précocité s'affirma d'une façon ou d'une autre. Il avait toujours eu peur que je tombasse entre les mains d'une mauvaise femme. Il était content de me savoir aimé d'une brave fille. Il ne devait se cabrer que le jour où il eut la preuve que Marthe souhaitait le divorce. Ma mère, elle, ne voyait pas notre liaison d'un aussi bon œil. Elle était jalouse. Elle regardait Marthe avec des yeux de rivale. Elle se préoccupait plus que mon père du « quand dira-t-on ». Elle s'étonnait que Marthe puisse se compromettre avec un gamin de mon âge. Pour avoir une maîtresse dont le mari était soldat, je vis peu à peu, et sur l'injonction de leurs parents, s'éloignaient mes camarades. Ils disparurent par ordre hiérarchique, depuis le fils du notaire jusqu'à celui de notre jardinier. Mais, estimant que c'était à mon père d'agir, et mon père se taisant, ma mère gardait le silence.